Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Mac Québec. Aujourd'hui, avec moi, Vincent a calé malade, donc il ne sera pas là. Et Jean-François, à cause de petits problèmes techniques, nous attend sur la seconde ligne. Et notre invité cette semaine, en fait, c'est Corinne Côté. Corinne est avec nous. Bonjour, ça va bien, Corinne? Oui, ça va, toi, Alexis? Oui, merci beaucoup. On t'a invité parce que il y a eu sur YouTube une vidéo d'un de tes numéros qui a été mis sur, qui a été mis pendant quelques jours. Il a été retiré. On y reviendra plus tard. Mais c'est un numéro qui s'appelle les Mac versus PC, mais tu ne l'appelles pas comme ça, toi. Non, moi, c'était juste les Mac à la base. Il a été baptisé après Mac versus PC. OK. Et c'est un numéro où, en fait, tu te moques passablement de l'attitude, en fait, des gens qui ont des produits à Apple. Oui, effectivement. OK. C'est un numéro qui t'a été inspiré par qui ou quoi? En fait, ça a commencé avec mon amie Isabelle Ménard, qui, on dirait, travaille pour Apple tellement qu'elle vend ses produits, puis... Elle était gossante avec son iPhone, puis t'as-tu vu mon iPhone? Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, arrête. Puis à toutes les fois qu'il y avait quelque chose qui marchait pas avec mon ordi, c'était tout le temps, ah ben c'est parce que t'as pas un Mac. Fait que là, c'est ça qui est devenu mon numéro éventuellement. OK. Dans le numéro, tu fais assez fort sur les propriétaires de Mac, mais tu les haïs pas tant que ça. Je veux comme mettre ça clair pour les gens qui penseraient que t'es vraiment allé péter une coche. Non, vraiment pas. Mais non, c'est pour rire de tout ça. T'sais. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des Macs qui m'ont parlé après, qui ont dit hey, c'est tellement ça, là. C'est vrai qu'on fait ça. Puis c'est correct. Aussitôt que tu tombes dans un produit que tu adores, c'est sûr que tu vas faire la promotion. Mais je trouve que ceux-là, en particulier, les gens en font beaucoup. Ça me fait juste rire. C'est pas méchant. C'est la nouvelle auto de luxe des années 2012. T'as un iPhone, puis tu veux le montrer. Les gens ne mettent pas de cover dessus. J'ai un iPhone et tout ça. Donc c'est très drôle. Corinne, toi, tu es humoriste, on appelle ça de la relève, mais tu es sortie de l'école en 2006. Oui. Et tu as reçu cette année le prix Découverte de l'année. Oui, j'étais très contente d'ailleurs. Merci de me l'avoir donné. Ben oui, mais c'est qui est en charge de ça et qui a pris 6 ans à comme, te trouver? Écoute, je ne sais pas. La révélation, en fait, comment ça marche, c'est qu'il faut que tu te sois démarqué dans un gala. Fait que ça serait un peu de ma faute. J'avais juste à me démarquer avant. Puis c'est mon numéro sur les Mac là, qui a bien marché. Puis le fait aussi peut-être que j'étais sur le gala à Mike Ward. Tu sais, ça a donné... Le gala à Mike, le public est peut-être plus ciblé. OK. Si j'avais parlé, mettons, de Mac et PC dans un gala où les gens étaient plus vieux, ils n'auraient peut-être pas tout à fait compris les référents. Tu sais. Ah oui, OK. Au niveau référence culturelle, tout ça, c'est plus jeune, en fait, les gens. Oui, c'est ça. C'est peut-être un peu plus jeune. Fait que ça a bien marché. Mais je l'ai fait un peu partout. Puis les gens comprennent quand même. Ça fait au moins depuis les années 80 que ça dure. Là, fait que les gens commencent à le savoir. Oui, il y a eu comme une phase un peu plus creuse là, dans les années 90 ouais. pour les produits Apple. Ouais. Dans ton sketch, en fait, le personnage, il y a un haut le cœur quand il dit PC, en fait, parce que tu vas de Corinne à ce personnage hautain là, qui se vante, ouais. Qui semble se vanter du iPhone, puis être le seul à regarder la date de ses médicaments, puis tu sais, ouais. il est il est au-dessus de toutes ses affaires dans la vie. Et quand lui, il dit PC, il y a un haut le cœur. Tu peux nous en faire un bout? Oui, certain. Je peux y aller avec... ton ordi a planté, c'est normal. Ça doit être parce que c'est un PC. Mon Dieu, excuse-moi. Excuse-moi, le mot PC me lève le cœur. Je suis désolée. Ça marche ça avec d'autres acronymes comme PLQ, mettons? Oui, regarde, on va l'essayer, mettons. PLQ. Tu vois, ça fait la même chose. Oui, pareil. C'est bon. Dans le sketch, comme je parlais, tu as un personnage qui est un peu fréchi. Il revient souvent. Tu as le même personnage, à un moment donné, qui parle des VUS, qui a un gros char, puis tout, dans un autre sketch, c'est ça? Oui, bien, pour moi, je pense que tout personnage un peu chiant a toujours la même voix. Dans ma tête, c'est toujours la même personne. C'est peut-être la même personne que le VUS qui me gosse avec son bac, là. Ça se peut. Puis qui vote PLQ. Oui, aussi. C'est bon. J'ai vu aussi en fouillant un peu, tu fais de la lutte? Oui, bien, je fais pas régulièrement de la lutte. On a fait un show à ZooFest qui s'appelait Humour Mania. OK. Ça, c'était une idée de Richardson Zephyr qui, lui, fait de la lutte assez régulièrement. Puis il a décidé de faire un show qui impliquait lutte et humour en même temps. Fait que moi, mon contrat, en fait, c'était de faire un numéro sur la lutte, mais vraiment un court numéro, okay. Puis de me faire péter la gueule. Parce que, justement, les gens ne s'attendraient pas à que je me fasse péter la gueule vu ma shape, vu le fait que je ne fais pas de lutte dans la vie. T'sais. C'est ça, tu as vraiment le frame de la job, et je le dis de façon sarcastique. Oui, oui, vraiment, oui. Puis, tu savais, dans la lutte, en fait, on appelle les filles qui sont lutteuses souvent à la WWE, on les appelle les divas. Est-ce que toi, tu étais une diva du côté méchant ou du côté gentil? J'étais une gentille, moi. OK. Puis, je me battais en tag team avec Gabrielle Caron, qui était aussi une gentille. OK. Donc, tu étais un team de gentils parce que j'ai vu les photos, puis tu faisais comme... tu avais le micro dans les mains, il y avait quelqu'un qui semblait être dans une mauvaise posture, puis tu avais l'air solidement de se foutre de ta gueule, de te foutre de sa gueule, en fait. Oui, oui, oui. Bien, c'est ça que je faisais au début, tu sais. Puis après ça, elle rentrait, puis pas contente, elle m'insultait, puis je mangeais pas mal de coups, là. OK. Puis des bleus, faut un entraînement quand même pour être lutteur? Oui. Ah oui, j'ai pris une couple de cours. Les boys, eux autres, ils ont pris plus de cours que moi parce qu'ils faisaient des cascades qui n'avaient pas de bon sens. Là. OK. Il faut t'apprendre comment tomber parce que t'es quand même sur un ring en métal avec un plywood par-dessus puis une petite mousse, tu sais. Puis tu tombes sur le dos. Fait qu'il faut t'apprendre à tomber sur le dos. Ça fait mal dans le front, là. Moi, je voulais pleurer après 20 minutes, je pense. Tu me disais que t'avais l'impression que ton nez voulait tomber. Oui, oui, ça fait d'en face, là. Ton nez, on dirait qu'il veut s'en aller de ta face. Il est comme, non, man, c'est trop pour moi. Fait que ça fait mal. La partie la plus feluette de ton corps serait ton nez. Oui, ça serait mon nez. Il a déjà été cassé, fait que depuis ce temps-là, il est un peu fébrile. OK. Je fouillais aussi et je suis tombé sur un article, en fait. Je me suis rendu compte que c'est pas un front, t'es vraiment geek, en fait. Oui, bien, je suis peut-être pas geek autant que, mettons, les gars. Mais aussi, je fais de l'épilepsie, tu sais. Fait que c'est un peu plus dur de jouer à tous les jeux vidéo qui existent. Okay. Pour ma santé personnelle et pour le malaise que ça crée autour de moi. Okay. Mais moi, je suis très ordinateur, j'aime jouer aux jeux, puis je deviens facilement dépendante de pas mal tous les jeux que je joue. OK. Tu disais faire de l'épilepsie? Oui. OK. Écoute. Je dis ça comme ça, j'ai une chum qui a été diagnostiquée pour ça et finalement, il s'avérait qu'elle était allergique au gluten. T'as-tu vérifié? Non, j'ai pas vérifié, en fait, pas en tout. Faudrait peut-être que je check ça. Parce qu'elle se faisait engueuler, puis on sort un peu là, du contexte informatique et tout ça, non, mais elle se faisait engueuler par sa neuro, parce qu'elle se faisait dire « Hey, tu prends pas tes médicaments, ça stabilise pas, ça, tu continues à faire des crises, tout ça. » Et ils se sont rendus compte, en fait, à un moment donné, elle s'est fait dire là, par un médecin peut-être alternatif, « Coupe donc le gluten, juste comme essayer, voir. » Elle a coupé et tout est rentré dans l'ordre. Elle est devenue top shape du jour au lendemain. Pour vrai, wow. Oui, et ils se sont rendus compte que son père est probablement mort, je devrais peut-être pas dire ça, là, mais est probablement mort d'avoir mangé deux toasts. T'sais. Il était allergique, solide au gluten, God. Il a mangé deux toasts, puis il ne savait pas, il est mort. Ça avait l'air de crise cardiaque ou je ne sais pas quoi, mais c'est probablement ça qui l'a tué. Bref, tu regarderas ça. Ben oui, je vais checker ça certain, parce que moi, ça fait 5 ans à peu près que je prends les médicaments, là, parce que j'ai commencé à 26 ans. Ça a stabilisé, toi, ça a vraiment fait quelque chose ou pas pantoute? Non, ça a fait quelque chose. Parce que je pense que moi, personnellement, quand j'ai commencé l'école d'humour, j'étais tout le temps sur l'ordi, puis j'avais un vieil écran cathodique, tu sais. OK. Puis ça flash, ça, là. C'est comme si j'avais un stroboscope. C'est comme si j'avais un stroboscope d'en face 12 heures par jour. Tu sais. Oui, c'est ça que Dr. House fait dans les séries pour faire péter une coche à des malades qui pensent qu'ils ont justement. Soit de l'épilepsie ou quelque chose, ou qui peuvent partir en convulsion, là, ils les mettent devant un vieil écran cathodique. non. Mais il leur allume des lampes de poche des fois d'en face, puis il y a un ou deux épisodes où est-ce que le dos est tombé à terre en convulsion. Oui, bien, ils font ça des électrocéphalogrammes, ils te mettent des stroboscopes dans les yeux juste pour voir. C'est le fun. Fait que toi, jouer au Pokémon ou aller dans un rave, c'est comme... Ah, oh, c'est non. C'est tellement non. On parlait de jeux vidéo... Je suis tombé sur une liste de cinq jeux vidéo que tu aimais le plus. Ton jeu préféré est Super Mario Bros. 3. Oui. Tu sais qu'ils ont sorti des trucs nouveaux depuis. Mais, mais je me suis acheté un Nintendo 8-bit il y a une couple de mois et j'étais bien fier de mon achat. OK. Écoute, je vais en profiter pour plugger nos amis de Retro Gamer, qui est un podcast à propos des vieux jeux vidéo, si jamais ça t'intéresse. Ouais. Voilà. Un des jeux, par contre, que tu parles dans la liste, et je l'ai retenu parce que, on est un podcast de Mac, puis il faut parler un peu de Macintosh, c'est The Incredible Machine, qui est un jeu qui a beaucoup pogné dans les années 90, justement, quand les Mac-eux se faisaient dire « Oui, mais tu peux pas jouer sur un Mac », ils disaient « Oui, oui, on a The Incredible Machine ». C'était comme à peu près le seul jeu. Et peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce jeu-là? En fait, c'est faut que tu fasses fonctionner la machine, puis autant tu as des ampoules qui vont éclairer une plaque solaire, puis avec ça, tu vas plugger quelque chose d'autre. Il y a des cages à souris qui font tourner un tapis roulant, puis là, tu lances une boule sur un levier qui fait lever une autre affaire, puis c'est de plus en plus compliqué, puis ça n'a même pas de bon sens. À un moment donné, tu as comme 6 rangées de choses à utiliser. C'est toujours réussir le but qui est écrit. Fait que dans le fond, des fois, c'est pogner la souris dans une cage ou allumer telle lumière ou assommer le singe. Ça a l'air intéressant, comment t'en parles? J'avoue que de même, non. c'est un jeu de casse-tête, en fait, qui est basé sur ce qu'on appelle la machine Rube Goldberg, qui est en fait une série de causes à effet. En fait, le jeu Mousetrap des années 80, c'était un petit peu ça. C'est tellement pas si fun que ça. Non. Ben l'annonce, en fait, faisait vraiment la job pour nous le vendre. Mais ouais, c'est tout. Quand tu l'avais, tu prenais, je sais pas, 6 heures à monter toute la patente, puis... Pour être incroyablement déçu. Oui, voilà. Il y a aussi une vidéo de OK Go. Tu sais, le groupe qui a fait un vidéo sur des tapis roulants, tu as sûrement déjà vu ça? Oui. Ben ils ont fait une vidéo, est-ce qu'ils ont, dans une espèce de grande usine, fait un Rube Goldberg machine qui leur a pris un temps complètement ridicule à faire, où à la fin, ils se font tirer dessus par des guns à peinture. C'est vraiment super cool et super drôle. Moi, je pense que je l'ai vu en plus. Oui. Je pense que je l'ai vu, oui. Juste quand tu me dis gars dans la peinture, on dirait que j'ai allumé. Ah, ça se peut, en fait, parce qu'il est vraiment impressionnant quand tu l'écoutes, puis il y a des éléments clés du vidéo que tu retiens. Je voulais te dire, en fait, que parce que tu me disais pas avoir de téléphone, puis tu parlais un petit peu, justement, de ta facilité à être addict à des jeux. Oui. C'est pour ça que tu voulais pas avoir de téléphone intelligent ou pas, là. Ben, en fait, le téléphone, je veux juste pas que le monde me rejoigne. Ça, c'est la première chose. OK. Deuxième chose, c'est vrai que si j'ai un téléphone, je vais tout le temps dessus. Je sais que je vais pouvoir mettre des applications. Je sais que je vais pouvoir aller sur Internet. Puis, comme je t'ai dit tantôt, je viens indépendante vite, tu sais. Fait que moi, n'importe quel petit jeu, permets-moi l'expression, de marde, je vais m'intéresser à ça. Fait que ben, c'est sûr, je vais être tout le temps dessus. Parlant de ça, en fait, The Incredible Machine, c'est disponible sur l'iPhone, mais seulement sur le store américain. Par contre, ceux qui voudraient jouer à un jeu qui est très semblable, il y a Alex, Amazing Alex. Oui, mon ami m'a envoyé le lien. Il faut que j'aille checker ça. Oui, et c'est la compagnie Rovio qui est bien connue pour son jeu Angry Birds qui a sorti ça récemment. C'est un petit jeu à 2$. Qui est très intéressant. Puis dès que tu te pognes un iPhone, contacte-nous. On va essayer de les contacter pour avoir un code promo pour que tu l'ailles gratis. Ah, ça serait fin, ça! Ben oui. Mais c'est surtout pour que tu t'achètes un iPhone puis que tu nous écoutes. Ouais. La tactique subtile. Effectivement. Écoute, sur ton vidéo, tu as écrit, sur ton Facebook, par contre, tu as écrit « Ne cherchez plus mon vidéo de Mac versus PC ». Il a été retiré du web par Indigo vu que c'était capté pour la télé. Fait qu'on a malheureusement perdu tous les débats inutiles en commentaire en dessous. C'est vrai que sur YouTube, la section commentaires, c'est un des derniers bastions du commentaire non censuré où au bout de 2-3 commentaires, là, tu te fais traiter de fasciste assez rapidement pour une vidéo de petit chat. Mais il faut dire que, en fait, le vidéo, il est comme encore là en ce moment. La première version, parce qu'elle a été retirée, a eu 18 000 views quand même. Oui, j'étais surprise. Et le deuxième, puis tout ça, le deuxième en a eu 2 000. Donc, tu as eu autour de 20 000 views pour une vidéo qui a été mise pendant, pendant une semaine à peu près, vu qu'elle a été retirée. C'est une question un petit peu complexe, là, mais tu as... comment je pourrais dire ça? C'est le fun d'abord, une espèce de promotion comme ça. Il y a peut-être des gens qui ont appris à te connaître à travers ça. Tu as une carrière qui est en pleine effervescence. Mais puis c'est sûr que tu n'as pas les droits sur la vidéo. T'aurais-tu préféré qu'il reste sur YouTube puis que le numéro soit peut-être brûlé ou que tu trouves ça correct qu'il l'ait fait enlever? Comment tu te situes là-dedans? Bien, c'est sûr que c'est le fun qu'il soit sur le web parce que les gens se le partagent plus. Puis ça fait un effet viral. Mais en même temps, ils ont acheté les droits. TVA a les droits pour diffuser le vidéo. Fait que ça, je le comprends. C'est correct aussi parce qu'en même temps, moi, j'ai été payée pour passer à la télé. Ouais. Fait que moi, je n'allais pas partager les vidéos. J'ai laissé ça se faire, mais j'étais contente qu'il soit sur le web quand même. Bon, OK, c'est cool. Fait que en fait, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as eu du monde qui t'ont vu, tu as été payé de l'autre côté, mais en même temps, c'est compréhensible que TVA veuille l'enlever vu qu'il y a les droits, il y a les droits là-dessus. Peut-être que c'est quelque chose qui aurait pu être dealé avec TVA. Peut-être que, je sais pas, les artistes ont-tu tendance à faire ça? C'est-tu quelque chose que tu te serais dit, tiens, ce numéro-là, pourquoi vous ne le mettez pas sur le web pour vendre la patente, vendre le gala, puis ça pourrait marcher en viral, tu sais, ou pas? Oui, sûrement. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Peut-être qu'ils ne sont pas rendus là non plus, parce que TVA vient juste d'embarquer sur le web. Oui. Parce que juste j'ai écrit une web-série, Par choc à par choc, puis c'est nouveau, puis c'est une des premières qu'ils mettent sur le web, tu sais. OK. Fait que, ils commencent peut-être à être là-dessus. Fait que je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça, c'est toute une question de contrat, là. Les contrats sont bien, bien complexes, fait que... Même moi, j'ai pas le droit de le faire ailleurs, ce numéro-là. Souvent, ça va être exclusivité pendant 3 ans. Ah, OK. Je peux le faire en show, je peux le faire en show, ouais. Pas de problème, mais je peux pas le capter et le diffuser pour un autre poste. Ah, OK. Mm-hmm. C'est intéressant. Ouais. Tu parlais de Par choc à Par choc. C'est ta web-série qui est sur LibTV, je crois? Non, celle-là est sur TVA. TVA Web. Ah, directement, OK. Ouais, celle-là, je l'ai écrite. J'ai pas joué dedans. T'as pas joué dedans. Mais t'as... T'as quand même, tu me disais, deux projets qui s'en viennent? Oui, j'ai deux projets qui s'en viennent pour le web. Ça, je les écris puis je joue dedans aussi. Tu peux pas... y en a un que je peux pas en parler. Tu non, peux pas trop en parler. Non, ben, j'ai un point rouge qui va m'apparaître dans le front. il y en a un, je suis toute seule pendant 16 capsules, puis l'autre, on est deux, 8 capsules chaque. OK. Donc, ça va être très le fun. Excellent. Donc, c'est des projets qui s'en viennent. Sinon, un one-woman show, quelque chose qui s'en vient? Bien ça, écoute, j'attends d'avoir plus de fans, tu sais, parce que j'ai le stock, c'est juste que ça me prend du monde dans ma salle, sinon ça va être pas mal plate de jouer devant 3 personnes, tu sais. Fait que c'est plus d'attendre les gens, puis de me faire une base de gens, puis à un moment donné, sortir le show. OK. Puis quand tu veux sortir un show comme ça, le but, c'est quoi? C'est de remplir, évidemment, pas ni la balustrade du Monument national, mais c'est quoi? C'est d'aller Club Soda, Théâtre Saint-Denis, quelque chose comme ça? Ben, je pense que ça dépend de ce que tu veux. T'sais, si tu as une petite production, tu n'auras pas de problème à faire des petites salles si tu te produis toi-même. Mais quand tu as un producteur et qu'il investit de l'argent, souvent, ça va coûter cher. Fait que tu es mieux de remplir ta salle à tant de pourcentage. Okay. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce que tu veux, quel genre de show tu veux donner, si tu veux aller à grande échelle puis faire des trucs Saint-Denis, Place des Arts, les grosses salles. Mais là, c'est plus un plus gros show, plus monsieur, madame, tout le monde. Si tu fais des petits shows... dans les petites salles, ben, tu vas être moins à grande échelle, mais tu vas peut-être avoir un côté plus intime que moi, j'aime bien. Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup d'être passé à l'émission. J'espère que ton passage va t'avoir amené un peu plus de fans pour que tu puisses remplir rapidement ta oui. salle de show. Et puis, si tu as envie encore de démolir le monde Apple, ben, ça va nous faire plaisir de te réinviter au show à ce moment-là. Ben, c'est merveilleux. Parfait. Passe une bonne journée, Karine. Merci, toi aussi. Bye. Bye. C'était Corinne Côté, que vous pouvez trouver, comme elle l'a dit, sur Internet. Il y a deux web-télé qui s'en viennent pour elle. Et puis, ben, comme on fait la promotion de tout ce qui se fait à Apple à travers la province, ben, c'était intéressant de l'inviter. Malheureusement, on a eu des petits problèmes techniques, probablement à cause de son PC. Donc, merci pour ceux qui sont encore là. On va juste régler quelque chose avant. Est-ce que mon son est correct? Est-ce que mon son il est correct? Est-ce que vous m'entendez encore en robot? Parce que là, j'ai branché mon bon micro que j'ai acheté. Fait que je voudrais juste savoir si mon son est correct. Allô? C'est mieux. Bon, merveilleux. Excellent. On va tomber dans les nouvelles de cette semaine. Il y en a quelques-unes quand même. Mais on va faire. Je voudrais remercier avant. Je voudrais remercier Stéphane Vaillancourt avant. Ah oui, oui, oui. Qui nous a cité dans un de ses derniers articles sur le blog de ZTV qui a mentionné 15 balados diffusion geek à écouter et on fait partie des 15. Alors, nos deux balados sont à écouter. Nos deux, oui, c'est vrai. Nos deux, on en a deux, c'est vrai. Fait que nos deux balados sont cités dans son article et je voudrais le remercier. Stéphane Vaillancourt, qui est déjà venu il y a quelques semaines avec Christian à la balado chez Mac Québec pour faire la promotion de leur nouveau podcast qui s'intitule Objectif numérique. Je vous invite à aller voir sur iTunes pour aller voir ça. C'est à propos de tout ce qui se fait en photographie. Oui, c'est très bon. Excellent podcast. Oui. Donc, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, les nouvelles de la semaine du monde Apple. Oui, monsieur. Puis, il y en a eu une couple cette semaine, fait que j'ai tout catégorisé ça. On va commencer par la nouvelle qui m'a attiré le plus cette semaine. C'est que dans la nouvelle version de iOS 6, mm-hmm. Apple retire YouTube, l'application native de YouTube qui est à l'intérieur depuis le lancement de iOS 1.0, 2.0. Ça va. En fait, cette application-là n'était pas très aimée nécessairement. La version en ligne avait rattrapé au niveau fonctionnalité la version de l'application en tant que telle. C'est très vrai. Puis on pouvait se faire même une web apps à partir de YouTube. Puis Apple qui continue en fait à vraiment là, couper les ponts avec Google. D'ailleurs, il y a eu d'autres petites choses cette semaine. Là. J'ai lu un article à propos des maps, comme quoi Google offrait un peu la même chose que Apple au niveau du 3D sur certaines maps dans une application. Qu'ils ont offerte cette semaine, mais que la qualité d'image était meilleure chez Apple. Personnellement, pour avoir testé la version iOS 6, je trouve qu'il y a encore beaucoup de manques au niveau de l'application de Apple. Oui. Personnellement, là, j'imagine que c'est plus stable. Là. Je pense que je n'ai pas fait la mise à jour à la version Beta 4. J'imagine que la carte est plus stable, mais ça n'avait pas très bien marché quand on cherchait une direction en venant de Sherbrooke. Donc, on avait eu des petits problèmes de ce côté-là. Ils nous faisaient passer par les États-Unis et tout ça. Ah ouais. Donc, c'était pas super. Oui, c'est ça. Et il y a aussi du côté de, en fait, un concurrent à Siri. Oui. Qui va émerger bientôt de Google. Fait que d'après moi, je me souviens plus c'est quoi le nom de... C'est pas Google Instant ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Faudrait, je sais pas, peut-être Daniel, il pourrait nous le dire dans le chat. C'est quoi le Siri de Google? Le nom m'échappe, là. C'est qui est Dean quand on a besoin de lui. Ouais, ben Daniel, il est là. Fait qu'il peut, il va peut-être pouvoir nous répondre. T'sais. Fait que Google Donc, Now. Ah, c'est Google Now. Oui, c'est ça. Bon, donc, merci, dans l'application Google, il va avoir la recherche en langage naturel, en fait, parce que c'est simplement ça qui va être rajouté. Puis, les vidéos sont peut-être truquées un peu sur Internet pour faire beau, mais ça avait l'air excessivement rapide. Puis, en fait, très, très joli. Ils ont vraiment fait un effort pour que l'application soit très belle là, au niveau des recherches. Là, tu recherches le cinéma un peu comme sur Siri ou en fait ce qu'ils en disent. Oui, c'est ça. Mais ils ont fait des tests entre les deux versions de Siri et de Google Now. Et Google Now surpasse Siri à fond sur la recherche, pas juste la recherche, mais par le parler que vous dites à votre téléphone. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner côté iPhone là, ou iPad. Là. Est-ce que Google Now, qui est, si je me souviens bien, dans la dernière version, dans 4.1, donc, si tu achètes un Nexus 7, normalement, Google Now est dedans. Mm-hmm. Est-ce que c'est encore en bêta pour Google ou c'est un produit... final. C'est un produit final parce que Siri est encore en bêta, techniquement, pour Apple. C'est... Donc, il y a encore matière à amélioration. En fait, Apple pourrait très bien conserver le nom, le bêta sur Siri, même dans iOS 6, puis ils disent « Ah, non, mais nous autres, notre produit est en bêta, ils travaillent encore dessus pour un an, puis ils se concentrent à l'accélérer, là, parce que c'est sûr qu'ils vont vouloir que le produit soit au moins égal à celui de... » Mais là, ça fait deux ans que Siri est en bêta, c'est ça? Non, ça fait depuis iPhone 4S, donc depuis octobre passé seulement. Ouais. Pour Siri, c'était la grosse nouveauté du iPhone 4S. Puis l'année d'avant, c'était le FaceTime. Oui. Tu parlais de YouTube. Il y a une petite blague dans l'application? Pas dans l'application, dans les notes de développement, dans les notes que Apple lance à chaque fois qu'ils sortent une version bêta de leur... de iOS ou macOS. Ils donnent tout le temps les notes. Et dans les notes, on a vu qu'il y avait un lien Internet sur YouTube. Ils montraient que tu vas aller sur ce lien-là par la page web de YouTube et le lien donne un Rickroll. Ah oui? Oui. Donc, Apple a Rickrollé ses développeurs Dans la version, ça va être dans la version finale, là, mais okay. Dans la version 4 bêta, ils ont Rickrollé, comme tu dis, leur développeur iOS. Fait que c'était très drôle quand j'ai vu ça. Rickroll, c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est. Comment il s'appelle, donc, le chanteur? C'est un chanteur des années 80 qui s'appelle Rick Astley. Rick Astley, et qui chante une chanson. C'est un one-hit wonder qui a un verre d'oreille, si on préfère, qui s'appelle Never Gonna Give You Up. Donc, ça fait Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down. Et donc, c'est... En tout cas, si je ne l'ai pas trop massacré, vous voyez quelle chanson. C'est sûr que vous l'avez déjà entendue. Et il y a une espèce de mauvais coup d'Internet, si on veut, qui fait que on envoie un peu partout, que ce soit à nos amis, liens pour voir filles tout nues, Jessica Alba tout nue sur ce lien. Et quand tu cliques dessus, finalement, tu te fais rickroller. Donc, ça veut dire que quelqu'un s'est un peu foutu de ta gueule. Oui, la vidéo sur YouTube a juste été vue 63 millions de fois, juste pour vous le dire. Oui, c'est ça, parce que quand tu te fais récoller, tu envoies tout le temps à la même page. Donc, 63 millions de fois. Considérez qu'à chaque 1000 utilisateurs, le gars qui a mis la vidéo peut se faire un 2$. Calculez rapidement, là, ça vaut quand même pas mal de sous. Le Rickroll. Quelque chose d'un petit peu moins drôle, par exemple, que se faire Rickroller, il semblerait avoir des problèmes de batterie sous Mountain Lion. Oui, avec les MacBook et les MacBook... avec les MacBook Pro et les MacBook Pro Retina, le monde commence à se plaindre de plus en plus sur les forums de discussion d'Apple qu'ils perdent environ 40% de leur batterie sur leur MacBook. C'est Engadget qui ont fait des tests avec le nouveau... même avec le MacBook Air, ça fait la même chose. Okay. C'est 40% de moins d'utilisation de ta batterie avec Mountain Lion. Il n'y a pas de solution miracle, là, parce que je les ai checkées, les pages sur... le forum d'Apple, tu sais, le monde, ils disent si vous désactivez, si vous fermez Mail, ça aide un peu plus. Si vous désactivez le Gatekeeper au complet, ça aide plus. Mais tu sais, c'est comme, il n'y a pas de solution miracle. Fait que d'après moi, c'est dans le codage du système qu'il y a un problème côté utilisation de la batterie. Mais on a su aujourd'hui que que Apple travaille déjà sur 10.8.1. Oui, c'est dans les temps. Là. Habituellement, ouais. Un mois à peu près après la sortie d'un système d'exploitation, il y a déjà la première page, patch qui sort, la première rustine. À savoir aussi, puis on l'a dit, on l'a mentionné dans notre émission de Mountain Lion, si votre machine, c'est un appareil avec lequel vous devez travailler, c'est un appareil qui vous rapporte votre pain et votre beurre sur la table, peut-être que mettre le dernier système d'exploitation, c'est pas la meilleure solution. Habituellement, on considère que les systèmes de Apple sont vraiment stables, fiables, exempts de presque tous les bugs à partir de la version 0.3. Donc, à partir de 10.7.3, on avait beaucoup moins de problèmes dans le système. Il était beaucoup plus fiable, autant dans la version client que la version serveur. Puis là, on est rendu à 10.7.4. Et il y a 10.7.5 sur lequel Apple est en train de travailler, qui est déjà là, sur le site de développeur. Donc, 10.8.1 s'en vient, mais ce ne sera pas un système qui va être stabilisé avant probablement 10.8.3, considérant un certain nombre de problèmes là, que Apple semble avoir avec quelques appareils. Oui, c'est ça. Fait que c'est il y a quand même pas mal de monde hein, sur les forums. Il y a moins. Quand j'ai fait le document, il était rendu à 45 pages. Oh, quand même! Fait que sur le problème, tu sais, que le monde commence à se plaindre. Puis, tu sais, le monde disait « Ah, ben j'ai même été au Apple Store. Ça donne rien d'aller au Apple Store. Là. C'est comme... Ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas rien faire, eux autres. Là. Les autres vont dire « Ah, ben essaye ci, essaye ça. » Fait que ça donne vraiment rien d'aller au Apple Store. Fait qu'il faut juste attendre. Moi, j'ai pas vraiment remarqué de différence, mais là, moi, je trouve que là, ma batterie, elle tient plus du 100%. Ah, OK. Je suis à veille de... Parce que là, mon Mac, il est neuf, t'sais. Fait que je suis à veille de faire un SMC plutôt, fait que oui. de repartir mon SMC. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas vu vraiment de différence. Ma batterie tient encore son... Ben, elle tient encore son 6 heures si je l'utilise pas, on s'entend. Là. Fait que... Mais bon. Fait que... Non, à part ça, j'ai pas de problème tant que ça. J'ai tout réglé mon problème que j'avais dans mon Notification Center. Je l'ai tout réinstallé. Fait que j'ai moins de... Okay. Ça a été un petit peu long, mais j'ai réussi au moins à tout réinstaller mon Notification Center. Excellent. Sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un pirate s'empare d'un compte iCloud. Un pirate, c'est un gros mot. Là. J'appellerais plus ça du social engineering ou de l'ingénierie sociale que d'autres choses. C'est quelqu'un qui a réussi à... En fait, il n'a pas juste pris le compte iCloud, si je ne me trompe pas. Non, il a tout pris. Il a tout effacé, en fait. Il a complètement détruit la vie digitale d'un journaliste de... c'est Gizmodo, je pense. Oui, c'est un reporter de Gizmodo qui s'est fait hacker son iCloud. Faut dire en partant que la personne utilisait le mot de passe depuis 7 ans, mais c'est presque tout le temps le même mot de passe qu'il utilisait pour tous ses autres services aussi. Fait qu'il y a quelque chose à ne pas faire. Tu sais, mettons, si vous utilisez Gmail, c'est un mot de passe. Si vous utilisez iCloud, c'est un autre mot de passe. Tous vos services. Mais la personne, en prenant son compte iCloud, a pu changer son mot de passe lui-même parce que tu n'as pas besoin de... Tu peux juste changer ton mot de passe et merci, bonsoir, ça fonctionne. Mm-hmm. Mais la personne a été vraiment plus loin que ça. La personne, à distance, elle a effacé son iPhone complètement et son Mac aussi. À distance. Avec Find My Phone, effectivement. Oui, parce que maintenant, avec Mountain Lion, il y a la fonction Find My Mac. Alors, fait que c'est ça. Fait que la personne, elle a complètement effacé ses données. Ça a été ardu aussi parce que même son compte de Google, Gmail, a été. Parce qu'il y avait. Vu qu'il y avait le même mot. Tu sais, le monde, quand. Tu sais, mettons, quand que les hackers s'emparent des mots de passe, là, des sites ou whatever, là, mm-hmm. Tu regardes là-dedans, c'est tout le temps les mêmes maudits mots de passe qui reviennent, tu sais. Fait ouais, que. Password, c'est... secret. Ah oui, c'est comme n'importe quoi. Je suis tabarnouche, c'est pas compliqué, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que lui, il avait tout le même mot de passe pour tout. Fait que même son Google s'est fait hacker. En fait, le hacker, ce qu'il a fait, c'est assez brillant et assez simple. C'est il est allé dans le système de... En fait, il a essayé de rentrer dans iTunes en premier. Il a essayé de se faire demander, se faire envoyer un courriel pour réinitialiser son mot de passe. Et grâce à ça, en fait, il a trouvé que le journaliste utilisait son adresse Gmail pour se connecter à son iTunes. Il est donc allé sur Gmail et il a essayé de se faire envoyer ou de répondre aux questions. Et ça n'a pas fonctionné. Il est donc allé, si je ne me trompe pas, sur Amazon. Et sur Amazon, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a fait une réinitialisation. Il a retéléphoné pour réinitialiser le mot de passe. Et une fois qu'il a eu réinitialisé le mot de passe, il a été capable d'ajouter une carte de crédit de plus dedans. Et avec la carte de crédit, en tout cas, je sais pas exactement comment il a fait pour ajouter sa carte de crédit au compte. Je pense que c'est ça qu'il a fait par téléphone. Puis après ça, il a demandé au système de lui envoyer un mot de passe. Mais le système, pour vérifier ton identité, utilise le numéro de carte de crédit. Donc, le gars a comme injecté un numéro de carte qui lui permettait d'aller chercher le mot de passe ou de réinitialiser le mot de passe. Et puis, une fois qu'il l'a eu, il a été capable d'à peu près tout débarrer. Donc, puis dans Amazon, c'est ça, il y avait un truc, tu voyais en clair les quatre derniers chiffres de la carte de crédit. Avec les quatre derniers chiffres de la carte de crédit, il était en mesure d'aller sur iTunes qui utilise un autre système pour la détection. Quoique ça, je suis pas super sûr. Je sais pas exactement. Là, Monsieur Ducharme, en fait, nous relate complètement l'histoire. Là, mais avec les numéros de carte de crédit, il a appelé Apple puis il s'est authentifié avec Apple avec ces quatre derniers chiffres-là. Il a pu réinitialiser le mot de passe. En fait, c'est comme ça qu'il a tout pris, le gars. Il a juste construit, en fait, en utilisant les brèches de sécurité ou les lacunes de sécurité de chacun de ces comptes-là. Il a réussi à construire l'identité du gars et aller chercher l'information qu'il avait besoin pour bypasser un et l'autre. Le gars a travaillé fort quand même. Ben oui, il faut être motivé pour le faire, mais j'ai comme l'impression que c'est pas si compliqué que ça. Donc quand les Facebook, Google vous offrent, parce que maintenant ils offrent d'améliorer en fait la sécurité, si quelqu'un s'authentifie, ça peut vous envoyer un SMS. SMS, des trucs comme ça. Donc, c'est ça que j'ai, moi. Augmenter votre sécurité en ligne. Puis, parlant d'augmenter la sécurité en ligne et de mots de passe, en fait, ben il y a un excellent logiciel. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises, JF. Depuis la version, je ne sais plus combien. Moi, c'est tous mes mots de passe, là, c'est tout géré par 1Password ici. Puis, je peux pas me souvenir de mes mots de passe parce que je les connais pas. OK. Cult of Mac, justement, nous apprenait cette semaine que 1Password, en fait, est assez solide en termes de protection parce que c'est très difficile de passer par-dessus ou de le hacker unilatéralement. Là. Donc, as-tu lu l'article? Oui, je l'ai lu l'article. Ils ont fait des tests avec, mettons, 3, 4, 5, 6, 7 mots avec des degrés d'encryption différentes. Et le nombre d'ordinateur qui essayait de parvenir à trouver le mot de passe. Et mettons, comme par, tu sais, mettons, trois mots, là, ça prendrait avec 5000 guesses secondes, ça prendrait 544 jours quand à, même. À le trouver. Mais seulement 2 jours à 100 000 ordinateurs. 2 jours à 100 000 ordinateurs, oui. Guesses par seconde, là, ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est quand même, tu sais, mettons, même si tu tombes avec 7 mots, tu tombes à 27 trillions d'années. Fait que c'est comme, c'est quand même beaucoup, tu sais. Fait que, ben moi, je l'utilise depuis des années, là, depuis que j'ai mon Mac. Je ne sais même plus quelle version que j'ai. Tu sais, je l'ai tout le temps acheté, tu sais. Puis, je me souviens plus. Moi, je connais pas mes mots de passe, là. OK. C'est un logiciel qui est d'abord qui est disponible sur le App Store, ouais. qui est autour d'une trentaine de dollars. Ouais. Il y a une version disponible aussi sur iOS qui est une 5 ou 10 dollars. Et ce qui est intéressant, ce que moi je trouve intéressant, c'est que c'est un des logiciels qui a dit, tiens, nous autres, on aimerait bien ça que les gens puissent synchroniser leur passkey ou la base de données. Qui contient leur mot de passe. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement fait un bouton pour pouvoir le faire à travers Dropbox, qui est un service gratuit. Donc, c'est hyper simple. Dans le logiciel, on a un bouton dans les préférences qui nous permet de... en fait, c'est tout con, il va prendre la base de données, il va simplement aller la mettre dans le dossier Dropbox qu'il voit dans l'ordinateur. Et puis à partir de ce moment-là, votre base de données, elle est toujours à jour, autant entre votre appareil, votre ordinateur et votre iPhone. Donc, c'est quand même très intéressant. On salue les gens qui se joignent à nous en ce moment sur le chat. Malheureusement, vous avez raté l'entrevue entrecoupée que Corinne Côté nous a donné. On va la réenregistrer probablement demain ou quelque chose comme ça, et on va être capable de la monter dans le podcast. Donc, ça devrait être plus clair, tout ça. Oui, ouais, c'est ça. Fait que, Alexis va parler à Corinne pour ça. Prochaine nouvelle, iFixit encore cette semaine. On parlait du nouveau MacBook Pro Retina. Ils ont montré comment retirer la batterie du nouveau MacBook Pro en 45 étapes. Et c'est pas de la job propre comme ils ont l'habitude de nous montrer. La batterie, elle est détruite, en fait, à la fin de ça, parce que pour une raison qui m'échappe, ou en fait, parce que j'ai pas vraiment envie de me poser la question si c'est vraiment ça, mais Apple a vraiment fait de cette machine-là une machine qui est très, très, très fermée. Autant, sinon plus qu'un iPad ou qu'un iPhone, sur lequel on peut quand même enlever des vitres, on peut quand même remplacer un certain nombre de choses. La batterie est collée dans l'ordinateur. Faut dire qu'il y a des concessions à faire pour avoir une machine qui est de cette épaisseur-là. Je dis pas que c'est normal. Je dis pas que Apple a peut-être étiré le concept de dire on l'amincit pour rajouter 2-3 trucs moins chouettes. D'ailleurs, on apprenait aussi cette semaine qu'il y a probablement de nouvelles vis qui vont être utilisées sur le iPhone, et que ce sont des vis, en fait, où est-ce que les... mettons, on aurait une croix, mais les branches de la croix seraient comme pas standard. Il y en a une qui serait peut-être un peu plus tassée, tout ça. Donc, ce serait vraiment des vis fabriquées spécifiquement pour l'iPhone. On se souvient qu'ils avaient mis les vis Penelope? Penelope McQuaid, non? Penelope McQuaid. Oui, c'est ça. Pentelope ou quelque chose comme ça. Là, c'était des vis un petit peu particulières en forme de fleurs. Fallait, en fait, le tournevis pour ouvrir les iPhones, entre autres, qui étaient équipés de ces vis-là, n'a pas été disponible tout de suite. Donc, les gens qui faisaient la réparation là, se sont trouvés un petit peu le bec à l'eau assez rapidement. Mais il faut dire aussi qu'Apple change 200$ pour remplacer la pile. Sur cet ordinateur-là? Sur le Retina, oui. C'est à peu près la même chose pour le comment ça s'appelle l'ordinateur, en fait, juste avant, dans lequel on peut, bon, la pile est interne, mais on peut quand même ouvrir l'ordinateur, elle n'est pas collée, on peut aller la dévisser. à peu près, si je ne me trompe pas, autour de 189 $ le remplacement. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur iFixit, pour acheter une des batteries comme ça, ils la vendent 119 $. Elle est 30 $ de shipping et il y a probablement un autre 30 $ de dédouanage une fois vendu ici. Donc, je me suis posé la question. Moi, j'ai un ordinateur qui aurait besoin d'une nouvelle batterie. D'ailleurs, si un de nos auditeurs en a une de trop, je suis preneur. Mais à 119 $ plus le 30 $, à pas savoir si FedEx ou UPS, encore pire, va me charger un prix de malade pour dédouanage. Je me dis, bon, ben en plus, avec le temps que je vais prendre pour la montée, pour tout ça, c'est sûr que c'est une expérience intéressante. Là. Moi, c'est le genre de truc que je regarde, mais je me dis que c'est le même prix là, pour aller la faire changer en boutique. Et qu'eux autres, si le changement s'avère, mettons, vous avez un ordinateur, vous pensez que c'est la batterie qui n'est pas bonne, vous l'amenez là-bas et vous dites que c'est la batterie qui n'est pas bonne, mais que finalement, la réparation ne fonctionne pas, bien, ils ne vous chargeront pas, ils vont vous remettre l'ancienne batterie. Puis, c'est ça. Vous n'aurez pas gaspillé votre argent pour rien. Est-ce qu'on avait d'autres choses? Moi, je n'ai pas rajouté d'autres choses. Là. C'est assez calme quand même. Là. On attend tout... Si ça va être vraiment le 12 septembre, l'annonce du prochain iPhone. On n'a pas encore eu de confirmation véridique là-dessus. Fait que c'est ça. Là, si t'en as d'autres, toi, que t'as vu passer que j'ai manqué, là, je sais pas. Ben en fait, j'ai travaillé tellement cette semaine que j'ai pas eu le temps de m'attarder. J'ai essayé de lire quelques nouvelles. Mais en fait, tout ce que j'ai mis de côté, c'est une façon avec Apple Remote Desktop de mettre à jour des ordinateurs, mais en batch. Puis je m'intéresse beaucoup à évidemment, à la campagne électorale qu'il y a en ce moment qui fait beaucoup jaser. Ouais. Moi, j'utilise TeamViewer, moi. Ah oui, c'est. En fait, c'est parce que TeamViewer, c'est bon one-on-one. Ouais, c'est ça. Gérer un parc informatique Remote Desktop, qui est l'application de Apple, qui est un logiciel en fait qui permet de prendre contrôle à distance des. Tu voulais changer de sujet, hein? C'est ça que tu faisais en me parlant de TeamViewer. Non. Donc. C'est une application qui permet même d'envoyer en fait des commandes Unix à plusieurs ordinateurs. Quand tu prends le contrôle d'une machine, c'est vraiment pour des gens qui font de la maintenance. Tu peux même faire tomber un rideau par-dessus l'ordinateur pour que l'autre personne sache que tu as pris le contrôle puis que tu peux pas... Puis que tu ne vois pas en arrière. C'est drôle, ça. Ben peut-être en fait que je pourrais parler de quelque chose. Une petite nouvelle qui est sortie c'est pour les filles, celle-là, qui a été sortie par Kim Auclair sur Mac Québec, qui a parlé d'une application qui s'appelle Bazaar, B-A-Z-A-A-R-T. Et je dis que c'est pour les filles parce que c'est une application qui se connecte à votre compte Pinterest, qui est à peu près à 80-90% utilisé par les filles. Kim a parlé de cette application-là qui sert à faire des espèces de montage. C'est hyper simple. C'est une application qui fait du détourage automatique d'objets dans une photo. Et le concept de Pinterest, c'est vraiment ça, de mettre l'autre côté. À ce moment-là, vous faites le détourage, puis vous faites une espèce de montage. D'après ce que j'ai vu, les filles utilisent ça pour se monter des looks. Donc, telle petite robe, telle paire de souliers. Non, mais ça peut être un truc. Ouais. Puis, c'est un peu une application de scrapbooking automatique aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont adeptes de ce hobby-là. Découper dans des magazines puis coller. Donc là, on peut le faire rapidement en faisant en sélectionnant ces photos dans Pinterest et après ça, en y ayant accès. Je trouvais que c'était une utilisation intéressante de Pinterest. Oui. Ah, puis je voudrais aussi souligner l'article de Kim Auclair qui est apparu dans Les Affaires cette semaine aussi. Très bon article. Fait que... fondatrice de Niviti et de Mac Québec. Alors, allez lire ça sur le site Les Affaires. J'ai pas le lien. Je sais pas si Kim pourrait le mettre, là, mais j'ai pas le lien sur moi. Fait que... Hein? On va nous trouver ça rapidement. Oh, oui, Instagram va nous trouver ça. Fait que c'est ça. Fait que ça va mettre fin au podcast. Oui. Puis on va prendre un petit 5 minutes pour... moi, je vais changer de place parce qu'il y a une personne qui s'est rajoutée dans la maison. Alors, je vais, moi, vu que c'est ouvert ici, il faut que je change de place. Alors, je vais... Donc, on va avoir notre troisième animateur qui est le frigidaire chez toi. Je vais m'arranger avec. C'est bon. C'est bon. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet, Jean-François? Oui, on peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979, Facebook, Google+, il y a aussi Spreecast, dont M. Patrick Boisvert vient de m'ajouter. Alors, c'est ça. Fait qu'à partir probablement de... le prochain podcast va être dans 2 semaines. Après, on va revenir aux semaines sûrement. Là. Fait que on va regarder ça avec Vincent et Alexis. Fait qu'on va se redonner un autre 2 semaines, je pense. Oui, Vincent, qui cette semaine s'était pris une journée de congé. Oui. Et on remercie beaucoup notre invitée de la semaine, Corinne Côté, de s'être joint à nous. Vous pouvez la trouver sur Twitter à Corinne Côté, K-O-R-I-N-E-C-O-T-E. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Vous pouvez me retrouver sur mon site web alexcornelier.com et dans la section services de Mac Québec. Ou si vous êtes vraiment mal pris, vous pouvez aller me recruter. J'arrive chez vous et je répare le tout. Comme un cheveu sous la soupe. Ou comme Zorro. Oh, c'est ça. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Bye.